les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pour les intellectuels des années 70, il était assez banal de s'interroger sur la légitimité du pouvoir politique. Nous étions quelques années seulement après mai 68, l'époque était à la contestation de toute forme d'autorité. Pourtant, rares furent ceux qui poussèrent le raisonnement jusqu'à remettre en cause la notion même de pouvoir. Se pourrait-il que quelque part des groupes d'humains vivent en s'organisant pour éviter l'accaparement du pouvoir par un chef ou par un groupe? C'est la thèse centrale de Pierre Clastre dans son célèbre ouvrage « La société contre l'État ». Vous allez entendre sa voix, ainsi que celle de plusieurs de ses critiques, dans cette émission de 1975. Le soleil n'était pas encore vertical en ce jour de 1953. Paraguay. Presque tous les Achegatus se trouvaient rassemblés, sauf quelques familles participées. État continental de l'Amérique du Sud. L'arrivée des BRU fut si soudaine que les Coatis n'eurent même pas le temps de réagir. Les Indiens Guarani représentent près des deux tiers de la population. Les détonations claquaient et l'odeur amère de la poudre chassait celle des viandes en train de rôtir. Les tireurs, dissimulés derrière les arbres à quelques dizaines de mètres du campement, déchargeaient leurs lourds fusils de guerre. Dans toute la région de San Juan Nepomuceno, on appréciait beaucoup les guayaquis, dont le prix moyen par unité était une vache ou un bon cheval. Le maïs et le manioc sont les principales cultures. Ou bien en liquide, 4 à 5 000 guaranis, 160 à 200 francs. Les ressources minières reconnues vers manganèse, cuivre, pétrole sont encore peu exploitées. C'était un bénéfice prodigieux pour ces hommes pauvres qui possédaient seulement leur monture, un machete et un gros revolver 38. Le butin se réduisait habituellement à un ou deux enfants. Il n'y avait jamais de difficulté à écouler ces produits de la forêt car la demande de jeunes guayaquis était bien plus forte que les offres épisodiques. Le fleuve Paraguay fut parcouru par les Espagnols dès le début du XVIe siècle. Les Guayaquis, bougeait sans cesse. Il ne laissait que peu de traces et l'on pouvait passer à proximité d'un campement sans s'en apercevoir. À partir de 15085, La tâche se trouvait tout de même facilitée de ce que l'espace où nomadisait la tribu des Atchegatu avait beaucoup diminué sous le grignotement des colons qui effaçaient chaque année un peu de forêt. Les Indiens sont rassemblés dans les réductions villages où toutes les activités sont dirigées par les missionnaires, l'expulsion de ceux-ci entraîne la ruine des réductions et la disparition des indigènes dépouillés par les colons. Le Paraguay confie sa destinée à une dynastie de dictateurs. Mythe des ancêtres, mythe de l'origine de l'obscurité, indien Guayaki. Guayaki, c'est le nom sous lequel ces Indiens sont connus, mais ce n'est pas le nom qu'ils se donnent à eux-mêmes. Pierre Clastre. Guayaki, c'est le nom que leur donnent les Paraguayens et leurs voisins, les Indiens Guarani. Les Guayaki se nomment eux-mêmes les Aché. Aché, les gens, les personnes. Chaque société primitive, en se nommant de cette façon, les gens, les personnes, les hommes véritables, etc., considèrent qu'elle détient le monopole de l'humain et par conséquent que les autres hommes, c'est-à-dire les tribus voisines, sont légèrement inférieurs ou même très nettement inférieurs. Les Guayaki s'attribuent à eux-mêmes une origine souterraine. Ils sont sortis de sous la surface de la terre. Dans le mythe, ils s'assimilent à des tatous, c'est-à-dire un animal qui creusait des galeries profondes dans la terre. Ils ont grimpé le long des parois verticales de leur terrier et, arrivés à la surface, ils perdent leur condition animale et ils conquièrent la condition humaine. Simplement, ils sont sales, ils puent, ce qui nécessite un passage par l'eau. Et sitôt sortis du trou et arrivés à la surface, ils se mettent en marche et très vite, ils rencontrent une rivière d'eau fraîche. C'est exactement ce que dit le mythe. Il faut rapprocher le mythe d'origine de la tribu Guayaki du rite qui préside à la naissance d'un enfant. Et le bain qui suit immédiatement la naissance d'un enfant, c'est exactement la répétition concrète et pratique dans la vie quotidienne d'une séquence du mythe d'origine, la séquence où les Aché, les Guayaquil, émergeant de la terre, passent par l'eau. Tout démarre en même temps. L'ordre social, c'est-à-dire les Guayaquil comme société, parce que dès lors qu'ils ne sont plus dans la terre, ils ne sont plus des animaux, ils sont des gens, donc qui fonctionnent comme société. Et qu'est-ce qui démarre en même temps? C'est le monde, le cosmos. Et mythe d'origine de l'obscurité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de succession du jour et de la nuit. Or, le monde ne peut pas vivre sans la succession normale du jour et de la nuit, et des saisons, et du mouvement du soleil. Alors, le mythe d'origine de l'obscurité, ils sont donc sortis de la terre, et peu de temps après, un homme s'en va à la chasse avec un de ses fils, et un fils qui n'est pas initié, c'est-à-dire qui n'a pas encore été reconnu comme adulte. Dans la forêt, il voit une énorme marmite en terre. Le père dit au garçon, surtout ne touche pas à cette marmite, parce que c'est la marmite de Bayon. Bayon, c'est un personnage mythologique. Naturellement, le garçon, le fait que ce soit un enfant est bien marqué par le fait qu'on dit qu'il n'est pas initié, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore eu la lèvre inférieure percée. Naturellement, la première chose qu'il fait, c'est d'attraper un bâton, de frapper sur la marmite, et alors l'histoire du monde commence, parce qu'en fait, dans cette marmite, il y avait la nuit, il y avait l'obscurité. Alors, un moment originaire de jour éternel succède, par la faute du garçon, un moment qui pourrait être de nuit éternelle. Jour éternel, nuit éternelle. Alors, pour rétablir, non pas le retour au jour éternel, parce que les hommes n'en veulent pas, eux ils veulent, et du jour et de la nuit, il y a un rituel à faire, et c'est ce que fait, raconte le mythe, le père du gamin. Il le prend de la cire d'abeille, il la fait brûler, et la fumée de la cire d'abeille dissipe la nuit, et le jour réapparaît, et à partir de ce moment-là, il y a le jour et la nuit, et les saisons qui se succèdent, donc une vie humaine devient possible. Moi, je m'intéresse depuis longtemps, principalement, mais pas exclusivement, à toutes les questions qui touchent au pouvoir politique dans les sociétés primitives. Et ça s'appelle, dans le jargon des ethnologues, l'anthropologie politique. Je suis parti en janvier 63 au Paraguay, chez les Indiens Guayaquil. Avant même cela, j'étais intrigué et même fasciné par cette question du pouvoir politique, c'est-à-dire la question de la chefferie dans les sociétés primitives. D'une part, il y a des chefs, et d'autre part, ils n'ont aucun pouvoir. Alors la question, le mystère, c'était qu'est-ce que c'est que ces chefs qui sont sans pouvoir? Bon, là-dessus, je suis parti en Amérique du Sud, j'y ai passé en tout plusieurs années, dans des sociétés différentes. J'ai passé un an, disons janvier 63, décembre 63, chez les Indiens Guayaquil, au Paraguay. C'était une tribu de nomades, des chasseurs-collecteurs, des gens de forêt. En 65, j'ai passé 6 mois dans la même région, mais chez des gens très différents, qui sont les Indiens Guarani, qui, eux, se distinguent tout spécialement par la profondeur de leur métaphysique religieuse. En 66, j'ai passé 6 mois, toujours au Paraguay, mais dans la région qu'on appelle le Chaco, dans une tribu qui s'appelle les Chulupi, qui, alors, eux, présentaient comme marque spécialement d'être des guerriers. Avant la découverte de l'Amérique, la guerre se passait entre eux, et puis peu à peu, à partir du XVIIe siècle, les tribus de cette région, elles ont guerroyé principalement contre les Espagnols et contre les Portugais. Ces tribus ont mené le même genre de guerre que, par exemple, les Indiens d'Amérique du Nord contre les Blancs, contre l'armée américaine. En 70-71, j'ai passé 3 mois dans l'extrême sud du Venezuela, au cœur du système amazonien, chez les Indiens Yanomami, avec mon ami Jacques Lizot, qui est là-bas depuis plusieurs années, qui connaît très très bien cette société. La différence étant que les Yanomami sont, on pourrait dire, presque dans une situation précolombienne. C'est-à-dire, ils sont nombreux, c'est certainement la plus grande société indienne libre d'Amérique. Ils occupent l'extrême sud du Venezuela et l'extrême nord donc du Brésil, où pratiquement ce qu'on appelle les Blancs n'ont pas encore pénétré. La plus grande partie des groupes Yanomami sont à peu près autonomes et indépendants par rapport à cette très légère frange du monde blanc qui est représentée par les missionnaires. L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Frédéric Engels. L'État n'est pas du tout un pouvoir imposé du dehors à la société. Il n'est pas davantage la réalisation de l'idée morale, l'image et la réalisation de la raison, comme le prétend Hegel. Non. Il est un produit de la société parvenu à un degré de développement déterminé. Il est l'aveu que cette société s'embarrasse dans une insoluble contradiction avec soi-même, s'étant scindée en antagonisme irréconciliable qu'elle est impuissante à conjurer. Mais afin que les classes antagoniques aux intérêts économiques opposés ne se consument pas, elles et la société, en lutte stérile, il est devenu nécessaire qu'un pouvoir placé en apparence au-dessus de la société, soit chargé d'amortir le conflit en le maintenant dans les limites de l'ordre. Ce pouvoir, issu de la société, mais qui veut se placer au-dessus d'elle et s'en dégage de plus en plus, c'est l'État. Répartir l'ensemble de toutes les sociétés en deux macro-classes, en deux grandes classes, société sans État et société à État, eh bien c'est premièrement rester fidèle à une distinction proprement anthropologique et deuxièmement rester fidèle à la réalité. Il n'existe que deux sortes de sociétés, les sociétés primitives, c'est-à-dire les sociétés sans État, et toutes les autres. Toutes les autres, ça veut dire les sociétés où il y a la machine étatique. Naturellement, dans cette énorme classe, on peut mettre aussi bien les despotismes archaïques, comme je sais pas, les pharaons, ou les incas, ou la monarchie française du XVIIe siècle, par exemple, aussi bien que les États modernes, que les États libéraux de l'Europe occidentale, ou les États dits socialistes comme l'URSS. Toutes les sociétés à État ont ceci de commun qui est l'État. Toutes les sociétés primitives ont ceci de commun entre elles qui est qu'elles n'ont pas l'État. La pensée marxiste, en tout cas la pensée d'Engels dans son travail sur l'origine de la famille, veut situer l'origine de l'État, c'est-à-dire la relation de domination, c'est-à-dire l'aliénation politique. Elle veut en découvrir l'origine dans l'aliénation économique, c'est-à-dire dans l'existence antérieure des classes sociales. Le schéma d'Engels est celui-ci. Il y a au départ la société primitive, société non divisée, société, disons, égalitaire, sans riches, sans pauvres, puisque tout le monde a la même chose. Par une opération quelque peu mystérieuse, là je parle du livre d'Engels, cette société au départ non divisée, elle se divise progressivement, et à un moment donné, elle est complètement divisée, il y a des classes, il y a des riches et des pauvres, il y a des exploiteurs et des exploités, et à ce moment-là, la classe des riches, pour consolider son pouvoir sur les autres, invente quelque chose qui est la machine d'État. Il y a, chez Engels en tout cas, une conception instrumentale de l'État. L'État, c'est l'instrument de domination de la classe dominante sur les classes dominées. À partir de l'ethnologie, et à partir de la recherche et de la réflexion sur les sociétés primitives, c'est-à-dire sur les sociétés sans État, c'est pas les classes qui déterminent l'apparition de l'État, c'est à partir du moment où il y a aliénation politique, c'est-à-dire relation de commandement-obéissance, car la substance de l'État, finalement, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là que ceux qui détiennent le pouvoir peuvent inventer le travail aliéné. Car il est bien évident qu'un pouvoir qui ne s'exerce pas, ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, il existe en tant qu'il s'exerce. Par conséquent, que vont faire ceux qui détiennent le pouvoir? Ils vont démontrer qu'ils détiennent le pouvoir. Et comment font-ils pour le démontrer? C'est l'obligation de payer le tribut. L'obligation de payer le tribut, ça signifie que les gens qui obéissent, ils vont consacrer une partie de leur temps, non plus à travailler pour eux, pour leur famille, comme dans la société primitive, mais une partie de leur temps à travailler pour le maître à qui ils doivent le tribut. La forme moderne du tribut, chez nous je veux dire, étant entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais étant entre autres, l'obligation de payer l'impôt. Mais dans le cas des sociétés primitives, on a vu que le chef se trouve inscrit dans une relation de dette par rapport à la société. Dette de parole, dette de bien. Ça veut dire que dans les sociétés primitives, le pouvoir, il est évidemment pas du côté du chef, il est du côté de la société. Le pouvoir, il est totalement rabattu sur le corps entier de la société. On pourrait dire donc que la société primitive, en tant qu'elle détient le pouvoir, elle exerce le pouvoir sur le chef et voire contre le chef, par le biais précisément de cette relation de dette. Tandis que dans le cas des sociétés à État, là, il y a eu la rencontre entre le chef et le pouvoir, et c'est lui qui établit une relation de dette avec la société. Et c'est la société qui est endettée par rapport aux détenteurs du pouvoir. Dans la société primitive en général, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un développement de ce qu'on appelle les forces productives. Normalement, l'économie dans les sociétés primitives, ça reste à peu près inerte. Il n'y a pas de progrès, ou très peu. Alors, si, lorsqu'on réfléchit à la question de l'origine de l'État, la voie de l'économique se trouve fermée, et c'est ce que je pense, si c'est une impasse, Eh bien, il faut la chercher ailleurs. C'est dans le champ du politique que l'on doit enraciner la réflexion sur la question de l'État. La division de la société en classes sociales opposées, c'est une conséquence du politique, c'est-à-dire une conséquence de l'émergence de l'État. C'est l'État qui détermine l'apparition des classes, et non pas le contraire, comme le dit la théorie marxiste, sur laquelle je suis en total désaccord, puisque je pense rigoureusement le contraire. Félix Guattari. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'opposition très brutale que tu fais très souvent entre des sociétés à État et des sociétés sans État. À mon avis, il y a déjà, dans ces sociétés sans État, des formes de pouvoir, qui ne sont pas des pouvoirs d'État, mais qui sont des pouvoirs de valeur sociale, de pouvoir sur les femmes, des pouvoirs d'initiation. Tu donnes l'exemple d'homosexuels dans L'Arc et le Panier. Si tu appartiens du point de vue érotique à des valeurs féminines, eh ben, tu ne participes pas du pouvoir des chasseurs. Tu ne peux pas être porteur d'arc. Alors, c'est pas l'État, mais c'est tout de même bien une machine de pouvoir. Je crois qu'on a intérêt à éviter cette dualité un petit peu trop brutale que tu amènes là. Mais il y a un pouvoir d'État dans le couple, il y a un pouvoir d'État dans la famille. François Bott. Ton livre s'appelle « La société contre l'État ». Et il me semble que peut-être la distinction que tu apportes entre les sociétés dites primitives, c'est-à-dire les sociétés sans État, et les sociétés que nous connaissons, les sociétés avec les pouvoirs que nous supportons, eh bien cette distinction, c'est peut-être entre des sociétés qui lutteraient sans cesse contre l'émergence d'un pouvoir plus fort, d'un pouvoir plus développé, et les nôtres où l'État est installé depuis longtemps et sévit comme on sait. On peut dire quelque chose des sociétés primitives, c'est que ce sont des sociétés fondamentalement conservatrices. Par exemple, le leader tribal, il est, de par sa position même, obligé de parler. C'est l'homme du discours. Qu'est-ce qu'il dit dans ses discours ? Ben, il ne dit rien, justement. Sauf qu'il dit aux gens, voilà, ce qu'il faut faire, c'est vivre, continuer à vivre, comme nous l'ont enseigné nos ancêtres. Et il faut surtout ne rien changer à tout ça. Alors, les sociétés primitives, elles sont conservatrices, ça signifie qu'elles sont absolument hostiles au changement. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une compatibilité à peu près parfaite entre l'exercice d'un pouvoir masculin sur les femmes et en même temps ce conservatisme-là qui dit, par la voix du chef, surtout, ne changeons rien à rien, continuons à fonctionner comme l'ont fait nos grands-pères et nos ancêtres. Ils sont structuralistes, au fond. Et les sociétés primitives sont pour le maintien de la structure de la société. Ils sont toujours pour le retour à, un petit peu comme les structuralistes en France, quoi. Un petit peu. Mais d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que la réflexion structuraliste se soit développée, surtout à partir de l'exemple des sociétés primitives et particulièrement indiennes. Facilement à travers les critères, disons, exigés par les sociétés primitives et en tout cas par les sociétés indiennes, les critères exigés du chef. Il faut être un bon orateur et il faut être généreux. Le chef, il est d'emblée, en tant que chef, installé dans le domaine de la parole. Il est dans la dette et il paye sa dette, entre autres, sous forme de discours. De sorte que, généralement, dans une société primitive, en tout cas dans une tribu indienne, l'homme qui parle, c'est le chef. Et inversement, le chef, c'est l'homme qui parle. Les discours sont quotidiens. Ils s'adressent le matin, quand le jour apparaît, ou le soir, quand les gens vont commencer à dormir, il fait un discours qui peut ne pas être long. Et dans ce discours, il ne dit rien spécialement. C'est ce que j'appelle un discours édifiant. La grande différence entre, disons, le discours du chef sans pouvoir et le discours du chef qui a le pouvoir, c'est-à-dire du chef d'État, c'est que le chef d'État, il n'est pas dans la dette, lui. Si, même s'il parle, c'est pas du tout qu'il le doit à la société. Le discours du chef sauvage, il faut l'entendre, enfin nous, occidentaux, comme un paiement de dette. Le chef, c'est la source d'un flux de discours qu'il doit à la société. Seconde qualité exigée d'un chef, c'est la générosité. On ne peut pas être à la fois chef et avare. Un chef, ça doit donner des biens matériels. Le chef, c'est l'homme à qui on peut aller demander n'importe quoi. Il ne peut littéralement pas refuser, sinon il se ridiculise complètement, il perd son prestige et il n'est plus reconnu comme leader. Naturellement, dans ces sociétés-là, où non seulement chaque société prise comme un tout, mais chaque membre de la société est autosuffisant, les gens n'ont pas besoin les uns des autres. Parce que sinon, là, on serait dans une relation de dépendance. Les gens sont autosuffisants. Autonomes. Complètement autonomes, du point de vue, en tout cas, disons, de l'économie. Donc, ce que les gens peuvent demander au chef, ça ne peut pas aller très loin. Ça peut être une pointe de flèche, une parure, des plumes, etc. Encore faut-il que le chef détienne ce petit surplus qui alimentera les éventuelles demandes qu'il ne peut pas repousser, des gens de sa tribu. Un chef qui ne veut plus parler, ou un chef qui ne veut plus donner, eh bien, il sait très bien qu'il renonce à être chef. C'est comme s'il donnait sa démission. Ça peut se produire, mais il sait très bien que dans l'acte même de refuser de payer la dette, il renonce à son statut de leader. Alors donc, double figure de la dette, dette de parole, dette de bien. L'énigme fondamentale des sociétés primitives, c'est qu'il y a des chefs qui n'ont pas de pouvoir. Donc, le chef, obligé de produire un certain surplus de biens qu'il mettra en circulation dans la société pour payer sa dette, gratuitement bien entendu, sans réciprocité, comme il est sans pouvoir, il ne va évidemment pas pouvoir dire à quelqu'un d'autre « fabrique ça pour moi, pour que je puisse le distribuer ». Donc c'est le seul qui travaille. C'est lui qui va le produire, lui-même et sa femme ou ses femmes, car la question de la pluralité des femmes intervient ici. Le seul lieu où le travail apparaît dans la société primitive, c'est-à-dire le travail comme travail aliéné, c'est-à-dire le travail dont le produit va vers les autres, eh bien, c'est au niveau du chef. Donc, le seul homme qui travaille dans une communauté primitive, en schématisant un peu, mais vraiment à peine, c'est le chef. Bah, La société contre l'État, l'arc et le panier. Presque sans transition, la nuit s'est emparée de la forêt. Et la masse des grands arbres paraît se faire plus proche. Avec l'obscurité s'installe aussi le silence. Oiseaux et singes se sont tus, et seuls se laissent entendre, lugubres, les six notes désespérées de l'Uruto. Et comme par tacite entente avec le recueillement général, en quoi se disposent êtres et choses, aucun bruit ne surgit plus de cet espace furtivement habité où campe un petit groupe d'hommes. Là fait étape une bande d'indiens guayaki. Avivés parfois d'un coup de vent, le rougeoiement de cinq ou six feux familiaux arrache à l'ombre le cercle vague des abris de palmes dont chacun, frêle et passagère demeure des nomades, protège la halte d'une famille. Les conversations chuchotées qui ont suivi le repas ont peu à peu cessé. Les femmes, étreignant encore leurs enfants blottis, dorment. On pourrait croire endormis aussi les hommes qui, assis auprès de leur feu, montent une garde muette et rigoureusement immobile. Ils ne dorment pas cependant, et leur regard pensif, retenu aux ténèbres voisines, montre une attente rêveuse. Une voix bientôt s'élève, presque imperceptible d'abord, tant elle n'est intérieure. Murmure prudent, qui n'articule rien encore de se vouer avec patience à la quête d'un ton et d'un discours exact. Mais elle monte peu à peu. Le chanteur est désormais sûr de lui, et soudain, éclatant, libre et tendu, son chant jaillit. Stimulé, une seconde voix se joint à la première, puis une autre. Elle jette des paroles hâtives comme réponse à des questions qu'elle devancerait toujours. Les hommes chantent tous maintenant. Ils sont toujours immobiles, le regard un peu plus perdu. Ils chantent tous ensemble, mais chacun chante son propre chant. Ils sont maîtres de la nuit, et chacun s'y veut maître de soi. Les sociétés primitives n'ont pas d'économie de la production, ni même, je dirais, ce ne sont même pas des économies du travail, au sens où le travail est aliéné. Eh bien, l'énergie libidinale, elle est libre, elle est disponible pour tout autre chose que le travail. Alors, ça peut être la guerre, ça peut être la fête, ça peut être l'activité sexuelle. Elle est disponible pour un tas de choses. On est en train de parler des Yanomami. On pourrait dire rigoureusement la même chose des Guayaki, de n'importe quelle société primitive. En effet, la question de l'économie, en son sens le plus général, elle est décisive. C'est vrai que lorsque on n'a pas besoin de se consacrer 8 heures par jour et 365 jours par an à travailler, eh bien, il y a une quantité fabuleuse d'énergie qui est libre. Ce qui frappe lorsqu'on est dans un village indien, par exemple, c'est de voir le temps énorme que les gens passent allongés dans leur hamac, à ne rien faire, à rêvasser, à dormir. À être. Oui, à rêver. On disait avant, avec le vocabulaire raciste et colonialiste, travailler comme un nègre. Là-bas, on dit feignant comme un indien. C'est exact, les indiens n'aiment pas le travail. Mais ça tient évidemment au fait d'abord que le travail en lui-même n'est pas aimable, donc on ne peut pas tellement s'étonner de ce qu'ils ne l'aiment pas, bien entendu. Et deuxièmement, ils n'en ont pas besoin. Je veux dire qu'avec un minimum d'activité quotidienne, la subsistance de la société, de la communauté, est assurée. C'est impensable qu'il y ait, disons, des parasites qui vivent du travail des autres. Mais il ne faut pas hésiter à dire que c'est des sociétés sans travail. Il n'y a pas de travail non aliéné. On peut reprendre ce que dit Hegel, à propos du travail, le travail est aliéné. Alors, comment peut-on donc nommer ce que font les primitifs pour vivre ? C'est-à-dire chasser, cueillir, pêcher, mais pas seulement ça. En Amérique du Sud, par exemple, l'immense majorité des sociétés indiennes, c'est-à-dire des sauvages de forêt, des gens à plumes, des gens qui sont tenus, on imagine toujours que société primitive, monde sauvage, etc., ça veut dire chasseurs nomades, mais pas du tout. La plupart, c'était des agriculteurs sédentaires. Ils pratiquent l'agriculture sur brûlis, en brûlant un morceau de forêt. Ce sont généralement des cultivateurs de manioc, de maïs, de bananes, et puis de tabac, de coton, etc. Donc là, il y a une activité, mais cette activité, c'est pas du travail. La grande différence entre les sociétés primitives et les autres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour d'autres. Comme esclaves salariés des autres. Par exemple. Tandis que ça, ça n'existe pas dans la société primitive. Autrement dit, il n'y a pas de classe sociale. Donc bien entendu, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Et c'est ça qui caractérise, d'après toi, les sociétés dites primitives. Exactement. Et là, on peut s'en tenir tout simplement à une distinction qui est interne à l'ethnologie elle-même, c'est-à-dire les sociétés primitives, eh bien, on les appelle les sociétés sans État. En effet, il n'y a pas de division du travail, sauf celle qui est, disons, naturelle et qui est recoupée par les sexes ou l'âge. Si on prend le cas d'une société de chasseurs-collecteurs nomades, eh bien, ce n'est pas les femmes qui chassent, c'est les hommes. Et la collecte, c'est-à-dire ramasser les baies de certains arbres, ou les fruits, ou certaines racines sauvages comestibles, etc., c'est une fonction des femmes. C'est une division sexuelle du travail, c'est une division naturelle. Ou, dans des sociétés d'agriculteurs, comme les Yanomami par exemple, une partie considérable du travail, disons, agricole, qui consiste à travailler sur les jardins, sur les plantations, généralement chez les Indiens de forêt, c'est-à-dire chez les sauvages, c'est du travail féminin. L'arc, c'est la chasse, c'est les hommes, c'est le gibier dont on vit, et le panier, c'est le petit magasin qu'on porte tout le temps sur le dos, c'est le moyen de transport, c'est la femme elle-même. Car ces nomades-là, c'était des gens qui étaient constamment en marche dans la forêt. Ils restaient rarement plus de 3 jours ou 4 au même endroit. Donc, il faut transporter tous les biens de la famille. Eh bien, là, on a un cas de division sexuelle du travail. L'homme, il marche avec seulement son arc et ses flèches pour être prêt à toute éventualité, c'est-à-dire tuer un gibier s'il le voit. Et la femme, elle est derrière avec tous les biens de la famille dans son panier. Elle porte. Dans la société primitive en général, il n'y a pas de spécialiste. C'est-à-dire, il n'y a pas de division du travail. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans une société primitive, tout le monde sait tout faire. Et personne ne dépend de son voisin pour faire quelque chose. Par exemple, un homme n'a pas besoin de son voisin pour savoir faire un arc ou des flèches ou une sarbacane ou une massue, selon ce que les hommes utilisent. Les garçons apprennent avec leur père à remplir les tâches masculines, par exemple fabriquer les armes. Et de la même manière, les petites filles apprennent avec leur mère à remplir les tâches féminines. Entre autres, fabriquer les paniers ou les hottes de portage. S'ils cultivent le coton, par exemple chez les Yanomami, eh bien, il faut savoir le filer. Disons, un jeune homme ou une jeune fille arrivant à l'âge adulte, Eh bien, pratiquement, il sait faire tout ce qu'il aura besoin de faire dans sa vie d'adulte et il ne dépend de personne pour rien. Et de la même manière, la communauté elle-même est complètement autosuffisante par rapport aux autres communautés. De la même manière qu'à l'intérieur de la communauté, il ne peut pas y avoir de hiérarchie fondée sur le savoir, sur la division du travail, de la même manière, il ne peut pas y avoir de hiérarchie entre les communautés, parce que chaque communauté est autosuffisante. Bien entendu, je ne pense pas à cette opposition d'une infrastructure économique qui conditionnerait la différenciation sociale. Ceci dit, mon idée, c'est qu'il ne s'agit pas là des forces productives, mais ce que je dirais, la différenciation entre un devenir corps sexué et un devenir corps social, qui s'identifie avec un certain nombre de valeurs masculines à travers des rituels d'initiation de toute nature et qui font que les valeurs sexuelles, érotiques, l'inconscient, tente à se réfugier du côté des valeurs féminines. Autrement dit, il y a un dualisme sexe et pouvoir qui s'instaure, bien en deçà, évidemment, du dualisme production et superstructure sociale et pouvoir. Mais c'est dans ce dualisme sexe et pouvoir social que se cristallise la première formule politique. Il y a quand même une division sexuelle du travail qui pèse très très lourd sur les femmes. Déjà dans l'arc sur le panier, tu expliquais bien ça. Oui, bon, il y a une division du travail sexuel et aussi par classe d'âge. Les hommes dans les sociétés primitives, et en tout cas dans les sociétés indiennes, dans la plupart, ne font pas grand-chose et les femmes font presque tout. Ça c'est sûr. C'est quand même pas le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Non, c'est pas le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Simplement, disons, ça signifie qu'en gros, une moitié de la population passe une grande partie de son temps à ne rien faire. Et malheureusement, bon, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les hommes, mais c'est comme ça. Parce qu'au fond, si tu essayes de montrer que le politique précède la différenciation de l'économique et donc disons, de la lutte des classes, on est un petit peu presque à la limite du néolithique dans tes sociétés, quoi. Eh bien, il y a déjà une exploitation massive, il y a déjà une cristallisation de l'exploitation de quelque chose qui n'est pas une classe, mais qui est tout de même une division sociale qui pèse sur les femmes. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à ce que ça pouvait signifier du point de vue des cristallisations de pouvoir? S'agissant du rapport entre les hommes et les femmes dans les sociétés primitives, je ne dirais pas que les hommes exploitent les femmes. Il y a évidemment une dimension d'aliénation des femmes dans les sociétés primitives, puisque disons, elles travaillent plus que les hommes, elles ont beaucoup moins de loisirs, mais il me semble qu'on ne peut pas parler d'exploitation, au sens où un bourgeois exploite un prolétaire. Les hommes en font beaucoup moins que les femmes, globalement, mais ils ne sont pas non plus des parasites. Ils font d'autres choses. Est-ce que les femmes usent autant des hallucinogènes que les hommes? À ma connaissance, les femmes sont complètement exclues de l'usage des hallucinogènes. C'est très important, parce que c'est par là qu'on arrive à la magie, à ce qu'on appelait l'inconscient. Donc, elles en sont exclues. Non, puis exclue de tout pouvoir politique. Je pense aux mémoires d'Elena Valero. Elles subissent un traitement très très particulier, hein, à coup de bâton ou n'importe quoi. Donc politiquement, il n'y a pas de doute. Il y a une aliénation radicale, à mon avis. Marcel Gauchet. Il y a des exemples de femmes chefs qui devaient ce titre au fait qu'elles savaient parler et qu'elles avaient leur père, qui était un chef et un grand parleur, leur avait appris à parler. Donc, c'est pas absolu. Oui, absolument. Et par exemple, dans cette ère culturelle sud-américaine qu'on appelle le Chaco, qui était occupée par des tribus très guerrières, hiérarchisées, etc., eh bien, précisément dans ces sociétés-là, très viriles, parce que c'était des sociétés de guerriers, eh bien, les femmes étaient très facilement chamanes. Mais lorsque tu dis que le chef indien est soumis à un contrôle très étroit de l'ensemble de la société et qu'il ne peut jamais prendre une décision qui ne soit une décision de cette société dans son intégralité, tu comprends les femmes dans ce contrôle. Les femmes contrôlent au même titre que les hommes le chef ou bien non? Elles participent absolument au contrôle. Simplement, à qui le chef demande-t-il, avant de prendre une décision, il fait une petite enquête d'opinion publique, c'est-à-dire qu'il interroge les autres hommes. Et quand il voit qu'une majorité, ou même le plus souvent une unanimité, se dessine pour faire telle chose, alors il dit à ce moment-là, ben voilà, j'ai décidé de faire ça. Alors qu'en fait, il n'a rien décidé du tout. Bon, mais au niveau, disons, de l'unité familiale, l'homme, sa femme, les enfants, là, les femmes interviennent d'une manière très, très efficace pour ce qui est de prendre des décisions. La guerre, c'est vraiment une affaire d'hommes et de chefs. Les décisions auxquelles participent les femmes sont de quel type? C'est les travaux agricoles, c'est un déplacement de jardin ou un déplacement de village, tout ce qui touche en fait le non exceptionnel, c'est-à-dire le quotidien. Même si ça ne se voit pas tellement, même si, disons, ceux qui parlent toujours, c'est les hommes. Personnellement, je ne sais pas, tu le sais, un fanatique des théories d'échange des femmes ou des choses comme ça. Je pense qu'en particulier, comme tu le montres à peu près dans tout ton travail, la notion même d'échangisme est quelque chose qui semble échapper aux catégories en cours dans ces sociétés, au même titre que la catégorie de travail, d'esclavage, de chefferie, etc. Ceci dit, les femmes sont traitées comme un certain type d'objet. Et au fur et à mesure qu'on trouvera des formes de pouvoir qui se différencient, non pas dans un ordre chronologique, mais enfin je pense à des sociétés africaines, alors là il n'y a pas de doute, les femmes sont échangées, comme faut bien dire, comme du bétail, à peu de choses près, sont monnayées, négociées. Dans les exemples que vous donnez, là, vous autres les américanistes, c'est pas ça. Et il y a certainement, comme tu le dis, un corps, je m'excuse, hein, tout le langage est piégé. Mais il y a un corps, une autonomie, un minimum de prise, de pouvoir, d'orgueil. Ça se voit très bien dans ces mémoires d'Elena Valero, qui fait témoignage de coterie de femmes contre certaines manœuvres, certaines manipulations de pouvoir des hommes. Mais ceci dit, on se demande quand même s'il n'y a pas une sorte d'amorce de ces manipulations des femmes, notamment dans le fait que tu analyses, qui est que ces petites unités nomades, c'est tout de même à l'occasion de rapports entre 3-4 unités pour des échanges matrimoniaux qu'il y a une sorte d'échange. Ce ne sont pas des unités entièrement repliées sur elles-mêmes. Est-ce que ce n'est pas tout de même sur le dos, sur la peau des femmes, que s'amorcent les amorces d'unités politiques un peu plus grandes? Curieusement, je veux dire que c'est un peu inattendu, tu sembles adopter là le point de vue d'Engels. Engels croit déceler la première division dans la société, c'est-à-dire le premier moment où la société commence à ne plus être une société primitive, dans ce qu'il appelle la grande défaite historique des femmes, c'est-à-dire le moment où le matriarcat, disons, se déglingue, et où les hommes prennent le pouvoir, et la société alors se trouve divisée en une espèce de classe sociale masculine qui exploite et opprime à son profit l'autre classe, exclusivement féminine. Ceci dit, je pense que c'est pas du tout de ce côté-là qu'il faut chercher pour réfléchir sur la question de l'origine de l'État. Dans tous les cas, je crois que on ne peut pas entendre société sans État comme société qui ne sait pas ce que c'est que le pouvoir. Parce que, tu en donnes maints exemples. Le chef peut avoir des moments d'autorité lorsqu'il se fait chef de guerre, par exemple. Bon, simplement, il cesse d'avoir de l'autorité dès que le raid guerrier est terminé. Mais effectivement, je crois qu'on aurait intérêt, par ailleurs, à se demander quel est le dispositif que ces sociétés sans État mettent en œuvre dans leur lutte contre l'État. dans ce dispositif le rôle qui joue la religion et le monde religieux des sociétés des primitifs. La religion entendue non pas au sens de rituel, mais au sens d'un système de conviction fondé centralement sur « ce n'est pas nous qui avons fait la société et le monde comme il est ». Et nous n'avons pas de pouvoir sur ce monde social comme il est. Et est-ce que ce système de croyance ne joue pas un rôle extrêmement puissant et peut-être déterminant dans le dispositif qui empêche l'émergence d'un pouvoir ? Parce que le pouvoir, c'est toujours celui qui se tient du côté du savoir. Je sais ce que vous voulez d'une part, mais aussi ce qui doit être. Fondement de la parole, mythe des Indiens Guarani. Nyamandu, père véritable premier, de sa divinité qui est une, de son savoir divin des choses, savoir qui déploie les choses, fait que la flamme, fait que la brume s'engendre. Il s'est dressé. Son savoir divin des choses, savoir qui déploie les choses, le fondement de la parole, il le sait pour lui-même. De son savoir divin des choses, savoir qui déploie les choses, le fondement de la parole, il le sait pour lui-même. De son savoir divin des choses, savoir qui déploie les choses, le fondement de la parole, il le déploie, se déployant lui-même. Il en fait sa propre divinité. Notre Père. La terre n'existe pas encore. Règne la nuit originaire. Il n'y a pas de savoir des choses. Le fondement de la parole future, il le déploie alors. Il en fait sa propre divinité. Nyamandu, Père véritable premier. Connu le fondement de la parole future. En son divin savoir des choses. Savoir qui déploie les choses. Il sait alors pour lui-même la source de ce qui est destiné à rassembler. La terre n'existe pas encore. Règne la nuit originaire. Il n'y a pas de savoir des choses, du savoir qui déploie les choses. Il sait alors pour lui-même la source de ce qui est destiné à rassembler. Déployer le fondement de la parole future. Connu, un, ce qui rassemble, du divin savoir des choses, savoir qui déploie les choses, il fait jaillir, unique, la source du champ sacré. La terre n'existe pas encore, règne la nuit originaire, il n'y a pas de savoir des choses, il fait alors jaillir, unique, la source du champ sacré. Déployer le fondement de la parole future, connu un, ce qui rassemble, ouverte une, la source du champ sacré. Alors, avec force, son regard cherche qui sera commis au fondement de la parole, qui à l'un qui rassemble, qui à redire le champ sacré. Avec force, son regard cherche du divin savoir des choses, savoir qui déploie les choses, du fait que surgisse le divin compagnon futur. Avec force, son regard cherche, du divin savoir des choses, savoir qui déploie les choses, il fait que surgisse Nyamandu, grand cœur, qu'en même temps s'élève le miroir du savoir des choses. La terre n'existe pas encore, règne la nuit originaire. Il fait que surgisse alors Nyamandu, grand cœur, vrai père des nombreux enfants à venir, père véritable de la parole, qui habitera les nombreux enfants à venir. À cela, il destine Nyamandu, grand cœur. Poursuivant, du divin savoir des choses, savoir qui déploie les choses. Quant à Karaï, futur père véritable, et Jakaïra, futur père véritable, et Tupan, futur père véritable, il fait qu'ils se sachent divins. Père véritable de leurs nombreux enfants à venir, vrai père de la parole qui habitera les nombreux enfants à venir, il fait qu'ils se sachent divins. Poursuivant, Nyamandu, père véritable, afin qu'elle prenne place face à son cœur, fait qu'elle se sache divine, la mère future des Nyamandu. Karaï, père véritable, afin qu'elle prenne place face à son cœur, fait qu'elle se sache divine, la mère future des Karaï. Jakaïra, père véritable, semblablement, afin qu'elle prenne place face à son cœur, fait qu'elle se sache divine, la mère future de Jakaïra. Tupan, père véritable, semblablement, afin qu'elle prenne place face à son cœur, fait qu'elle se sache divine, la mère future des Tupan. Commise au divin savoir des choses du père premier, commise au fondement de la parole future, commise à la source de ce qui rassemble, commise à redire le chant sacré, rassemblés à la source du savoir qui déploie les choses, tels ils sont, ceux qu'également nous nommons, éminent père véritable de la parole habitante, éminente mère véritable de la parole habitante. Comment tu vois, tu es où? Je te vois, tu es où, moi? Il y a un chapitre très intéressant dans ton livre où tu montres comment le savoir est inscrit sur le corps de chaque individu de la tribu au cours d'une cérémonie initiatique. Et ce savoir, tu le résumes en disant « tu n'auras pas le désir de pouvoir, tu n'auras pas le désir d'obéissance ». Eh bien, moi, il me semble très très intéressant de voir des sociétés, dans une certaine mesure transparentes, qui savent ce qu'elles font, qui comprennent ce qu'elles font. Et est-ce que finalement l'apparition de l'État n'est pas l'apparition de l'obscurité dans la société, d'un certain inconscient social. À partir du moment où la société est divisée entre ceux qui commandent, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, et ceux qui obéissent, c'est-à-dire ceux qui subissent le pouvoir, eh bien, ceux qui commandent, avec le pouvoir, ils ont le monopole de tout, et entre autres du savoir. C'est évident. Une des, disons, des techniques mises en œuvre par les sociétés primitives, d'une manière générale, pour empêcher ce que j'appelle le désir de pouvoir et le désir de soumission, sans lequel le désir de pouvoir ne peut pas fonctionner. Alors, un des moyens d'empêcher l'émergence de ce double désir, de ces deux désirs complémentaires, il m'a semblé le déceler dans les rituels d'initiation, dans les cérémonies initiatiques fondées sur ce que j'ai appelé la torture, c'est-à-dire un travail de la société sur le corps des jeunes gens ou des jeunes filles aussi. En effet, les jeunes gens se soumettent aux cérémonies de torture. Dans le moment initiatique, il y a une espèce d'exercice du pouvoir des initiés, c'est-à-dire des adultes, sur les non-initiés, c'est-à-dire les jeunes gens. C'est évident. Simplement, premièrement, il faut rappeler que les jeunes gens dans toutes les sociétés primitives, ils veulent être initiés parce qu'ils veulent être reconnus comme adultes. Et que deuxièmement, il me semble qu'on ne peut pas nommer politique ce pouvoir, entre guillemets, exercé par les adultes sur les jeunes gens, de la même manière qu'il me semble difficile de déterminer comme politique le pouvoir exercé par les hommes sur les femmes. Et je ne vois pas pourquoi tu t'accroches à ça. Tu dis d'ailleurs, si on met la politique partout, il n'y en a nulle part. Moi, si tu veux, je proposerais de considérer qu'il y a des pouvoirs micro-politiques, effectivement, partout, dans les rapports vis-à-vis des femmes, dans les rapports entre initiés et non-initiés. Et la preuve, d'ailleurs, n'est-ce pas chez les mandants, où il y a des systèmes d'initiation particulièrement brutaux, féroces, mais qui correspondaient à la nécessité d'une lutte militaire et politique contre les envahisseurs. Bon. Autrement dit, la constitution de la force de frappe guerrière, elle est inséparable d'un problème politique. Est-ce qu'on ne peut pas tout de même imaginer qu'il y a là l'émergence d'une forme de rapport de force, alors politique au sens propre, qui n'est pas sans rapport avec une certaine inflexion de ce que j'appellerais les machines désirantes, à savoir que les gens, non seulement ils ont cet impératif de se constituer en force de frappe militaire ou politique, mais aussi ils y prennent goût. Les micro-pouvoirs politiques, ils amorcent bien quelque chose qu'on tente sans arrêt de conjurer. Le pouvoir, il est dans le langage, je crois que tu dis exactement. Pouvoir de cette parole, le commencement de l'État dans le verbe. Tout à fait à la dernière page de ton livre. Et tu dis ailleurs que le langage n'est pas un simple instrument que l'homme peut être de plein pied avec lui et que l'Occident moderne perd le sens de sa valeur par l'excès d'usage auquel il le soumet. Et tu dis que dans ces sociétés, le langage n'est pas un pur moyen de communication et d'information. Ça me paraît être un thème absolument capital. Quand tu analyses le champ, tu dis une chose à mon avis très belle, c'est qu'il y a par ce champ une sorte de subversion du langage. Dans le champ guayaki, il n'y a pas des personnes constituées. Ils chantent tout seuls dans la nuit, ils chantent avec le cosmos, et il y a un usage qui tend à dissoudre les fonctions de pouvoir qui sont portées par le langage. Ça me paraît très important parce que moi, j'aurais tendance à aller même plus loin. C'est de considérer que la fonction du langage, y compris pour nous dans nos sociétés, n'est pas un moyen de communication et d'information. Aujourd'hui, un certain nombre de linguistes, comme Ducrot en particulier, montrent qu'après tout, le langage, c'est toute une série de comportements et que la communication entre un locuteur et un auditeur est un cas très particulier, lié à des conditions socio-économiques très particulières. Donc, est-ce que ce n'est pas partout où il y a un certain type d'usage du langage, tu es chasseur, tu es initié, tu es homme, tu es femme, tu es dans telle fonction, que se constitue en effet un certain type de pouvoir politique? Il y a quelque chose qui, me semble-t-il, illustrerait très bien ce que tu viens de dire, et c'est les prophètes, justement. Ce que dit le prophète Tupi-Guarani, et ce que dit le chef, ça n'a rien à voir. d'abord. Et deuxièmement, le prophète, il parle, il fait le prophète dans ses discours, parce qu'il a envie d'être prophète, tandis que le chef, c'est pas du tout qu'il a envie de parler, c'est qu'il est obligé. La parole du chef, elle est vide parce qu'elle est une référence constante à la tradition qu'il s'agit de conserver. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est des sociétés conservatrices. Tandis que le discours prophétique, il n'est pas du tout vide. Il est un appel à quelque chose. Il est un appel au changement, précisément. Bien que se dressant contre les chefs, c'est-à-dire les chefs guaranis, c'est-à-dire des chefs militaires, finalement, qui avaient un pouvoir effectif considérable sur un nombre important de guerriers, c'est probablement les prophètes qui auraient pris le pouvoir, en somme. À un double titre, je crois, on voit le passage se faire. C'est en premier lieu dans le fait qu'ils s'affirment dans un rapport privilégié au surnaturel. Le prophète, c'est une vedette, je veux dire, au sens très fort. Et puis d'autre part, il dit « liquidons tout de ce qui est ». Alors ça, c'est le discours anti-chef, mais à partir du moment où on liquide tout ce qui est, eh bien, on peut reconstruire une société à zéro, je veux dire. C'est-à-dire la soumettre. Il y a un pouvoir qui peut définir et programmer une société de A à Z. Exactement. Donc je crois qu'on peut effectivement très bien saisir comment, selon toute probabilité, les prophètes étaient un vecteur de pouvoir politique incontestable. Il y a des chamans dans toutes les sociétés primitives. Les chamans, c'est les médecins, et disons, la seule activité vraiment séparée de toutes les autres, c'est-à-dire l'activité que tout le monde ne peut pas remplir, c'est celle de chaman, c'est celle de médecin. En même temps, le comilé chaman, c'est-à-dire qu'il contrôle une quantité plus ou moins grande de pouvoir, pouvoir au pluriel, au sens de avoir des pouvoirs, détenir des pouvoirs. Il peut non seulement soigner les gens de la tribu, mais il peut lancer des agressions contre les ennemis de la tribu, contre les groupes voisins. Par exemple, en leur envoyant des esprits agressifs, en leur envoyant des maladies, etc. Ces pouvoirs du chaman dont tu parles viennent-ils aussi du fait qu'ils fréquentent davantage les substances hallucinogènes que la plupart des autres gens? Les hallucinogènes, il y en a en Amérique du Sud, et plus précisément dans toute la région du nord-ouest amazonien, donc par exemple chez les Yanomami, qui utilisent des drogues très, très puissantes. Lesquelles? Dans leur langue, en Yanomami, ça s'appelle l'ébéna, c'est une piptadénia. Celle qu'on insuffle dans le nez par une sorte de sarbacane. C'est ça, exactement. On la reçoit dans le nez. Et donc ça, il faut être deux au moins, puisqu'il faut que quelqu'un qui souffle à une extrémité du tube pour que la drogue passe dans le nez, dans les sinus de celui qui va la consommer. Ceci dit, là où il n'y a pas de drogue, il y a toujours quand même des équivalents. Par exemple, dans tout le sud du système amazonien, dans les tribus du Chaco, l'équivalent c'était le tabac. Le tabac, soit qu'on en fume beaucoup, soit qu'on boive du jus de tabac très fort, qui provoque presque un état provisoire de catalepsie. Alors, pour devenir chaman, il faut apprendre. Et ça passe par un très long processus qui peut durer des années et des années. Par exemple, dans les tribus du Chaco, une vocation de chaman se décide quand un garçon a 15 ans, 16 ans. Il y a des femmes chamanes aussi? Il y a des femmes chamanes, bien sûr. Le cas le plus fréquent, c'est des hommes, mais il y a des aires culturelles, dans le Chaco précisément, où les femmes étaient très souvent des chamanes. Être chaman, c'est pas facile. Ça demande, pendant des années, une vie tout à fait ascétique, ou à coup de jeûne répété et prolongé, où on ne mange rien, on ne boit rien, On arrive à un affaiblissement tel du corps que, disons, ce qu'on appelle la transe, par exemple, est facilité. Hallucination, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire faciliter le contact avec ce qu'on appelle les esprits. L'inconscient. On peut dire l'inconscient. Les esprits, c'est-à-dire les êtres invisibles, qui sont les assistants du chaman en tant que tels, c'est-à-dire en tant que médecins. C'est grâce à eux qu'il pourra soigner les maladies ou grâce à eux qu'il pourra attaquer les ennemis. Également, souvent, par exemple dans le Choco, un chaman, il sait qu'il est devenu chaman, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme tel par le monde des esprits, lorsqu'il a son chant. Eh bien, son chant de chaman, il lui faut souvent très longtemps pour l'avoir, il lui est communiqué par un esprit. Et il ne lui est communiqué que lorsqu'il est en état de réceptivité, et cette réceptivité étant facilitée par l'état de faiblesse du corps. Une manière d'obtenir la même chose, c'est la drogue. Et chez les Yonomami, les chamans ne deviennent pas chamans par une initiation qui dure des années comme dans d'autres régions. Ils deviennent chamans en beaucoup moins de temps, en, je ne sais pas, un mois ou deux. Mais pendant un mois ou deux, ils ne mangent pas. Ils ne boivent le moins possible, juste assez pour ne pas mourir. Mais en revanche, ils prennent des quantités de drogue absolument fabuleuses. Et ils ne dorment pas. Les autres chamans les empêchent de dormir. Dans la société contre l'État, tu présentes un certain nombre de, je ne sais pas s'ils sont vraiment des chefs religieux, mais enfin, qui développent l'idée que le mal, c'est l'un. Peut-être faut-il voir, pour reprendre ta question, les tentatives des prophètes comme étant, ce que tu dis d'ailleurs, un substitut, sur le plan mythique, des entreprises de cristallisation de pouvoir. C'est comme si le pouvoir étant impossible sur le plan des opérations politiques et militaires, comme si les prophètes faisaient une sorte de totalisation. D'où peut-être la différence de discours entre la philosophie morale profonde des Guarani en tant qu'ils luttent contre la cristallisation d'un pouvoir, et puis les mythes qui seraient quand même aussi l'instauration d'un pouvoir, un pouvoir du savoir des anciens, une capitalisation du pouvoir dans les mythes. Pour ce qui est des prophètes et du discours prophétique, à mon avis, il n'y a pas de doute. Disons que les prophètes Tupi-Guarani du XVe et XVIe siècle ont monté une machine de guerre contre les chefs. Et que si on ne met pas les prophètes en perspective avec les chefs, et les prophètes contre les chefs, eh bien, on se condamne à ne rien comprendre au phénomène du prophétisme chez les Tupi-Guarani. Les prophètes, ils étaient contre les chefs. Bon. De toute façon, ce processus, qui était en cours au moment de la découverte de l'Amérique, a été brisé par l'arrivée des Blancs. Qu'est-ce qui se serait passé si les Blancs étaient arrivés, disons, 50 ans ou un siècle plus tard? On n'en sait rien. mais il est très possible que les prophètes, en voulant mettre à bas le pouvoir naissant des grands leaders, eh bien, peut-être bien auraient simplement occupé leur place, et d'une manière plus puissante. Dans l'ethnologie fiction, est-ce que tu... C'est ça, c'est l'ethnologie fiction. Tu imagines qu'au fond, un empire Tupi-Guarani aurait pu se constituer? Je ne l'exclus pas du tout, parce que, après tout, lorsqu'on constate que les prophètes Tupi-Guarani étaient des gens à qui il suffisait de parler aux Indiens, de communauté en communauté, pour déclencher de véritables mouvements de masse... Des croisades. Oui. Des espèces de croisades à la recherche du paradis terrestre, enfin de ce qu'ils appelaient la terre sans mal, qu'ils étaient capables de rassembler derrière eux des dizaines de milliers de personnes à la recherche du paradis, mais ça veut dire que ces prophètes-là, qui utilisaient simplement leurs paroles, ils avaient un pouvoir énorme, tel qu'aucun chef n'aurait rêvé une seule fois de l'acquérir. Le paradis terrestre recherché par les Indiens Guarani, et d'ailleurs paradis terrestre auquel les Indiens Guarani actuels, enfin du Paraguay, les derniers, continuent à rêver. Mais au XVIe siècle, ils ne se contentaient pas d'en rêver, ils le cherchaient concrètement. Alors, c'était le séjour des dieux, d'abord. En principe, il était situé à l'est, c'est-à-dire du côté du soleil levant. Et là, le paradis terrestre, c'était en effet l'endroit où les plantes cultivées poussaient toutes seules, c'est-à-dire le manioc, les bananes, etc., où les flèches allaient à la chasse toutes seules et rapportaient le gibier. C'était, la vie divine. Et alors surtout, il y a quelque chose qui est très important et qui montre la volonté de subversion des prophètes par rapport à leur propre société. C'était ce qu'ils disaient aux Indiens. Ils leur disaient, et à partir de maintenant, donnez vos femmes à qui vous voudrez. Et dire ça dans une société qui, malgré tout, c'était une société primitive, je veux dire par là, totalement centrée sur les structures de parenté et les relations matrimoniales, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle, en jargon ethnographique, l'échange des femmes. Alors, dire, à partir de maintenant, donnez vos femmes à qui vous voudrez, ça veut dire, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, et par conséquent, dire dans une société primitive, il n'y a plus de règles d'échange matrimonial, ça veut dire, il faut tuer la société. Mythe du déluge universel. Quand l'eau rouge et grosse se mit à monter, alors elle emporta d'innombrables atchés. L'eau rouge, la grande eau rouge, emportait beaucoup d'atchés. Un homme et sa femme grimpèrent au sommet d'un palmier. Au sommet d'un vieux palmier, ils grimpèrent. Voyant de là-haut que l'eau ne disparaissait pas, ils se mirent à pleurer. Et l'eau continuait à monter. Le flot s'éleva tant qu'il abattit l'arbre et que les deux alchés durent se hisser en haut d'un autre palmier, vieux et solide. Celui-là ne fut pas abattu. Prenant des fruits du palmier, ils les jetèrent en bas. Plouf ! L'eau n'avait pas encore disparu. Plus tard, ils recommencèrent à jeter des fruits. Boum ! Ils avaient heurté la pierre. Alors, ils purent redescendre. L'eau avait emporté tous les atchés, et ceux-ci s'étaient transformés en capivara. C'est dans l'eau que demeurent, transformés en capivara, les âmes de ces atchés. après les études des Américains de Berkeley et d'un certain nombre de gens et de toi, vous arriviez à des estimations de l'Amérique précolombienne qui oscillait autour de 100 millions d'habitants, enfin quelque chose qui, enfin, pour ce qui était ma maigre information, paraissait complètement ahurissant. Alors là, il y a une question d'abord capitale de voir ce qu'ont été les ravages, l'extermination d'un quart de l'humanité avec la venue des Européens. C'est tout de même quelque chose qu'il faut bien regarder en face. Il y a eu le rôle des infections, le rôle des maladies. Des épidémies. Ouais. Et puis alors, il y a eu quand même cette croissance démographique. L'économie antipolitique, on pourrait dire, de ces sociétés, le fait que ces sociétés se protègent contre tout ce qui pourrait finalement catalyser des phénomènes de concentration de pouvoir politique, qu'il s'agisse de choses de technologiques, d'échangisme, d'écriture, enfin, toutes les machines qui tendraient à agglutiner des grands ensembles sociaux, eh bien, il semble que peut-être ça soit lié à une certaine capacité d'avoir un grand territoire. Autrement dit, curieusement, ces sociétés qui sont nomades, elles sont, dans ma terminologie, très territorialisées sur des unités démographiques petites, qui aussi, je ne sais pas, moi j'ai l'impression, d'après ce que je peux comprendre, autour de 80 personnes ou 200 personnes et rarement plus. Mais à partir du moment où il y aurait eu des phénomènes de poussée démographique importante, il y avait nécessité soit de les conjurer sous forme de, je ne sais pas quoi, de guerre, ou alors de constitution de société d'un autre type. Il me semble que jusqu'à très récemment, les ethnologues, et avec eux un peu tout le monde, pensaient que la population d'une société primitive, elle ne change pas, elle ne bouge pas. Bon, on sait que les sociétés primitives, elles sont petites. Et il existe une multitude de moyens, en effet, disons, de contrôle de la population. C'est l'avortement qui est assez largement pratiqué. C'est l'infanticide, moins pratiqué peut-être que l'avortement, mais il existe. Et puis surtout, les tabous sexuels et la date du sevrage. Généralement, dans les sociétés primitives, le sevrage de l'enfant intervient entre 2 et 3 ans, c'est-à-dire très tardivement. Or, tant que l'enfant n'est pas sevré, il y a un tabou qui interdit les relations sexuelles entre le mari et la femme. Donc, pendant ce temps-là, la femme ne peut pas être enceinte. Qui est respecté et qui est général dans les sociétés américaines. Qui est pratiquement récurrent, non seulement dans le monde américain, mais dans tout le monde, disons, dans tous les mondes sauvages, dans tous les mondes primitifs. Le nouveau-né, qui apparaît alors que son aîné n'est pas encore sevré, eh bien, il est, en général, tué à la naissance, je veux dire, dans les 5 premières secondes. De tout cela, il résultait la conviction que le flux démographique dans les sociétés primitives, il était parfaitement codé. Bon, or, on s'aperçoit de plus en plus que ce n'est pas vrai. Et que la population d'une société primitive, elle pouvait parfaitement varier, et varier dans le sens de l'augmentation, et qu'on s'aperçoit que peut-être bien les sociétés primitives, qui sont des sociétés, sans aucun doute, profondément conservatrices, profondément hostiles au changement, à l'innovation, eh bien, il y a peut-être quelque chose qu'elles n'arrivent pas à conjurer, et quelque chose qui, d'une manière, disons, mécanique, peut provoquer un changement que les gens sans doute ne désirent pas, eh bien c'est la croissance démographique. C'est l'expansion des sociétés. Et là, avec les Tupi Guarani, il me semble que nous avons un excellent exemple. Alors, je ne veux pas dire que, disons, comme horizon lointain, l'émergence de l'État, elle est due mécaniquement à l'explosion démographique. Pas plus qu'à l'économie. Mais il me semble qu'on ne peut pas ne pas mettre en perspective explosion démographique, enfin disons expansion démographique et émergence de l'État. Si on prend les Incas du Pérou par exemple, eh bien les Incas avaient, disons, une politique délibérément nataliste. Ils étaient pour la croissance de la population. Et d'ailleurs il me semble que ça fait partie du fonctionnement de toute machine étatique que d'être nataliste. Et c'est bien normal. Plus il y a de gens, plus il y a de tributaires, c'est-à-dire de gens qui paient le tribut à l'Inca, c'est-à-dire au prince, à l'empereur, au despote, et derrière lui, à la caste aristocratique qui commande. On est en plein dans les problèmes d'actualité, parce qu'on parle du problème de la femme, du problème de l'autogestion, du problème de la natalité. Histoire indienne d'amour, Jacques Lizot. La sexualité des petits Yanomami n'est pas réprimée pourvu qu'elle reste discrète et confinée. Elle s'accorde sur ce point avec celle des adultes. Bien que porteur d'un sens singulier, le sexe n'en est pas moins un organe comme un autre, donc soumis aux explorations ludiques. Les adultes parlent ouvertement de la sexualité et des fonctions de reproduction. Le rôle de l'accouplement humain et le plaisir qu'il donne ne sont point dissimulés aux enfants. À vrai dire, il n'y a rien là que de très naturel. À l'occasion, enfants et adolescents ne dédaignent pas de se livrer à la sodomie. Néanmoins, ils n'en parlent qu'avec circonspection, car, tout comme la masturbation, cette activité sexuelle marginale doit demeurer dans l'intimité de ceux qui la pratiquent. Non pas qu'elle ait pour conséquence un quelconque sentiment de mauvaise conscience, lequel, comme le repentir, est justement banni de la morale indienne. S'il y a scandale à « manger le vagin d'une sœur », c'est là l'expression des Indiens, il n'y en a point à manger l'anus de son frère. C'est que si la société impose qu'on échange ses filles ou ses sœurs, elle n'a pas à introduire de restrictions pour codifier une sexualité qui opère entre des personnes de même sexe. Dans le groupe des Germains, les aînés ont autorité sur les cadets. Le sodomite sera l'aîné, le cadet le patient. Comme tous les petits Indiens, Ebewe eut une sexualité à la fois précoce et peu déterminée quant à son objet. La règle étant que tout ce qui sert le plaisir est bon en soi. Des tâtonnements de l'enfance, il parle avec discrétion, mais sans pudeur, comme d'une époque définitivement révolue. Ses rares confidences sont les jeunes gens de son âge, en qui il a confiance et qui, souvent, ont été ses complices. Il se souvient que lui et d'autres enfants faisaient des trous dans le sol avec leurs doigts. Ils en humectaient les parois avec de l'eau ou de la salive avant d'y introduire leur pénis. Il prétendait que le trou était un vagin et qu'il faisait l'amour avec une femme réelle. Bien entendu, il n'obtenait aucun plaisir par un moyen si rude. L'un d'eux, un peu plus âgé, parvenait à l'orgasme en simulant un coït avec un pépon de cucurbitacée, un de ceux avec lesquels on fabrique les calebasses. Un jour, Ebewe accompagna Yebiwe à la pêche. Celui-ci attrapa une raie venimeuse. Elle était grande et avait de beaux dessins sur le dos. Ce Célassien possède sur la queue un dard redoutable avec lequel il pique les imprudents, laissant dans la blessure ainsi causée une infinité de barbes venimeuses qui occasionnent une formidable douleur. Yebiwe trancha la queue et se remit à pêcher. Les lombrics vinrent à manquer. Il en alla chercher, laissant seul l'enfant au bord de la rivière. Profitant de ce moment de solitude, Ebewe encula la raie. Elle lui parut d'abord d'une décourageante froideur, mais il persévéra et prétend avoir éprouvé quelque agrément. Un autre jour, Ebewe accompagna un groupe d'hommes adultes. Ils se rendaient à la maison d'un missionnaire évangéliste pour y réclamer divers objets dont ils avaient besoin. Le blanc était avare. Il tergiversait sur la quantité, voulait obliger les Indiens à travailler ou à participer aux prières afin de mériter ce qu'ils prendraient. Ebewe se mourait d'ennui. Il sortit et traîna alentour son désœuvrement. Il tomba sur des poules qui picoraient. Sans réfléchir à ce qu'il faisait, il se lança à leur poursuite, réussit à coincer l'une d'elles qui l'emporta sous le futaie. Que faire de l'animal ? Il voulut s'accoupler avec, mais l'oiseau ne cessait de piailler et de se débattre. Ebewe s'impatienta, craignit d'être découvert. Alors il lui fracassa la tête contre un tronc d'arbre et la jeta dans l'Orénoque qui coulait tout près. Il avait l'air le plus innocent lorsqu'il pénétra à nouveau chez le missionnaire. La part du tabou et de la prohibition chez les Indiens, elle est presque réduite à zéro. Autrement dit, c'est des choses dont on parle. Il n'y a pas de surmoi social, il n'y a pas de refoulement, ce qu'on appelle le refoulement ici. Oh, il y en a sûrement, Mais je veux dire qu'il est, il y en a beaucoup, il est infiniment moins pesant que dans les... Ce que Reich appelle la répression sexuelle n'existe pas avec la même force, la même quantité, la même puissance. C'est ça. Chez les Indiens Yanomami. Chez tous les Indiens. Chez tous les Indiens. Je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais c'est minime. C'est minime. Est-ce que d'après toi, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de production industrielle, pas d'économie industrielle? Le fait que, si tu veux, l'énergie créatrice et l'énergie libidinale n'a pas à être transformée en force de travail, comme dans les sociétés dites civilisées? Ou à quoi ça tient, selon toi? Il est probable que l'énergie libidinale, comme tu dis, dans une société du travail et de la production, de la consommation et, disons, la société industrielle, il est probable que dans ce genre de société, eh bien, une grande partie de l'énergie étant investie dans les activités de travail, elle ne peut pas être investie ailleurs. Qu'est-ce qu'il advient des déviants? Les déviants, il n'y en a pas beaucoup dans les sociétés primitives. C'est vraiment rarissime, hein. L'arc et le panier, bon, il s'agit des Guayaquis, et les déviants auxquels tu penses, c'était deux hommes dont l'un étant devenu porteur de panier, c'est-à-dire ayant pris le principal attribut extérieur de la femme, à savoir, la femme porte, elle a donc un panier. Bon, c'était un déviant, bien entendu, puisque il était homosexuel, totalement accepté par la tribu à laquelle il appartenait. Pas du tout rejeté ni brimé par qui que ce soit. Pas du tout. Simplement, il était devenu carrément une femme. Il était considéré comme une femme par les hommes, qui par ailleurs savaient très bien que c'était un homme. Il était totalement incapable d'être un homme au sens des Guayaquis, c'est-à-dire un chasseur. Par conséquent, il n'avait pas le choix. S'il n'était pas du côté de l'arc, eh ben, il était du côté du panier. C'est-à-dire, aucun problème. Ça ne faisait aucun problème ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour lui. Pour qui ça faisait problème? Eh bien, c'était pour l'autre Indien qui ne savait pas non plus chasser, parce que quand il décochait une flèche, eh bien, il manquait sa cible tout le temps. Alors il était incapable d'être un chasseur. Et puis il essayait de subsister en essayant de faire de la collecte, enfin, d'avoir des activités de femme. Il s'est fait chasser. Ayant refusé d'être comme l'autre un porteur de panier, il avait de place nulle part. Il n'avait pas de lieu dans la société. Il n'était pas une femme parce qu'il ne se sentait pas femme, évidemment, il ne voulait pas. Il n'était pas homosexuel, lui. Mais il n'était pas non plus un homme parce qu'il ne savait pas chasser. Alors, il n'était nulle part. Et alors, son existence dans la tribu, elle était bizarre, elle était dérangeante. Et il était marginal, il était malheureux, il était triste. Il était vraiment mal à l'aise. Maintenant, on a un peu renoncé à cette idée, à cette sottise, de dire que le chaman, c'est un espèce de déviant, c'est un psychotique, un fou, et que le moyen que trouve la société pour, non pas l'exclure, mais au contraire l'intégrer, c'est d'en faire un chaman. Mais c'est faux, et faisons un pas de plus, il n'y a pas de folie dans la société primitive, il n'y a pas de fou. Moi, je n'en ai jamais vu. J'ai vu une fois. Tu attribues ça ? J'ai vu une fois dans une tribu du Chaco, un vieil Indien qui était fou, et il était sûrement paranoïaque, il délirait. Mais il faut voir aussi qu'est-ce que c'était que son délire. De temps en temps, ça le prenait, et il fonçait au bord du fleuve, au bord du fleuve Paraguay, en disant, les Blancs, l'armée arrive, ils vont nous attaquer. Bon, c'était une folie. C'était... Non, mais il n'y avait rien. Mais il délirait. Mais on comprend très bien d'où venait son délire. Non, il n'y a pas de fou dans les sociétés primitives. À quoi ça tient? Je pense que ça tient au fait que c'est des sociétés de liberté, c'est des sociétés sans aliénation, des sociétés où il y a le minimum d'aliénation. Et si c'est des sociétés où il y a le minimum d'aliénation, il ne peut pas y avoir d'aliénés. Donc il n'y a pas de fou. Et pourquoi c'est des sociétés où il y a le minimum d'aliénation? Et là, je reviens apparemment en conclusion à notre point de départ. Il n'y a pas l'État, il n'y a pas la relation de pouvoir, il n'y a pas de chef, il n'y a pas ceux qui commandent et ceux qui obéissent. C'est des sociétés. Disons, il n'y a pas d'aliénation parce qu'il n'y a pas de division. En classe? Ni en classe, ni du point de vue du pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui commande et d'autres qui obéissent. Donc les flux circulent plus librement. Prenons le langage des flux. En effet, les choses circulent librement. Et c'est pour ça qu'on peut parfaitement, disons, déterminer les sociétés primitives en tant que société sans État, et non seulement en tant que société sans État, mais en tant que société contre l'État, c'est-à-dire en tant que société de refus de l'aliénation, on peut les appeler des sociétés de la liberté. Le territoire des Chintas Largas se situe au bord de la rivière Aripuana, aux confins des états du Mato Grosso et de Rondônia, au Brésil. Durant les années 60, ils ont été victimes d'un génocide organisé, comprenant le massacre de femmes et d'enfants, le bombardement des villages et l'assassinat par le truchement de cadeaux de sucreries empoisonnés à l'arsenic. En 1968, la Fondation nationale des Indiens, institution créée officiellement par le gouvernement brésilien, envoya une brigade de pacification chez les Chintas Largas, qui furent persuadés de vivre en paix avec les colons le long de la frontière du monde blanc, toujours en expansion. États latino-américains soient, avec des degrés divers, mais enfin, en grande partie sous contrôle du capitalisme américain, au plan économique, et directement du gouvernement américain au plan politique, c'est sûr. Prenons, bon, le Brésil, c'est un gouvernement autoritaire, c'est un gouvernement militaire autoritaire. Le Pérou, contemporain, c'est des militaires aussi, mais on les classerait plutôt dans le camp des progressistes. Mais du point de vue, disons, de la création d'une infrastructure économique, eh bien, les militaires progressistes et les militaires, on va dire, réactionnaires, ceux du Brésil, ils fonctionnent exactement de la même manière. Une route péruvienne progressiste dans l'Amazonie, c'est rigoureusement semblable à une route capitaliste réactionnaire au Brésil. Et pour les Indiens, les résultats et les effets sont absolument les mêmes. Lorsque une route traverse le territoire occupé par une tribu, les effets sont d'abord immédiats et rapides. C'est que les Indiens meurent. Ils ne meurent pas parce qu'on les tue. Je veux dire par là, ça ne se fait pas à coup de fusil. Ça se fait de temps en temps à coup de fusil, mais c'est une minorité de cas par rapport à l'ensemble. Ils meurent de maladie. Et généralement, le contact entre des Blancs et des Indiens, eh bien, il se traduit immédiatement par les épidémies et la mort. Ça, on le sait depuis longtemps. Et si, sachant cela, on ne prépare pas d'avance une considérable, disons, infrastructure médicale qui impliquerait des médecins, des infirmiers, pour vacciner tout de suite les gens, d'avance pour que les effets soient réduits au minimum, bien, si, sachant la fragilité des Indiens devant ces maladies, la variole ou la rougeole, que inévitablement ils vont attraper, on ne se prépare pas à les en protéger, eh bien c'est que, naturellement, c'est qu'on n'a pas envie de fournir de grands efforts pour les sauver. Je l'ai bien vu, que ce soit au Paraguay, ou au Brésil, ou même au Venezuela, les gouvernements locaux, lorsqu'ils s'intéressent aux Indiens, lorsqu'ils sont prêts à faire un petit effort, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, par exemple au Paraguay, lorsqu'ils sont prêts à faire un effort, qu'est-ce qu'ils veulent faire des Indiens? Ils veulent les intégrer. Ils veulent en faire des... Par exemple, au Brésil, qu'est-ce qu'on veut faire des derniers Indiens libres qui traînent par petites bandes en Amazonie. L'idéal des Brésiliens, c'est d'en faire des citoyens brésiliens. Ces sociétés, elles sont d'une fragilité telle que à peine les touche-t-on du doigt que ça part en poussière, ça part. En 1971 fut créée une réserve, le parc Indian Aripuana, afin de protéger les Chintas Largas et les Souroulis, qui étaient plus de 2000. Cette mesure de protection ne fut pas longtemps respectée et la tragédie s'abattit immédiatement sur les tribus. En octobre 71, une épidémie de rougeole dont les microbes furent apportés par les colons blancs décima les Souroulis. En décembre, les Souroulis se révoltèrent et tuèrent un fonctionnaire de la réserve Aripuana. The merciless orders of the Four People's Campaign have erupted at the United States Supreme Court building, where windows have been smashed, allowing several persons to briefly enter the building. Several hundred American Indians, Mexican Americans, and Negroes marched on the court protesting a recent ruling that affected Indian fishing rights. They found the huge bronze doors locked in their face. The air was quickly filled with Indian war cries, protest songs, and angry Mexican shouts against what they called gringo justice. Scores of police had moved into the area. En 1972, le député Hieronimo Santana accusa la Fondation nationale des Indiens d'avoir officialisé cette invasion et de n'avoir rien fait pour protéger le droit des Indiens. Il n'y avait pas d'acculturation possible de ces gens-là avec les Portugais, les Anglais, les Français, tous les judéo-chrétiens qui débarquaient dans ces sociétés. C'est presque les bases philosophiques de l'extermination qui a suivi. Et pourquoi y a-t-il eu des flux d'esclaves noirs dans ces sociétés? Pourquoi est-ce que finalement, on n'a pas réussi à mettre vraiment en esclavage de façon massive les populations autochtones? Les Indiens et l'un, si vous voulez. Les Indiens et le travail. Les Indiens et l'obéissance. Les Indiens et le respect du pouvoir. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Les Indiens, ils mouraient. De maladie, c'est évident. De fatigue, de faim. Désespoir. Mais je pense qu'ils mouraient beaucoup plus, et ils continuent d'ailleurs, ils mouraient de désespoir, c'est-à-dire de dégoût profond de vivre dans le travail, de vivre dans l'un, voilà, de vivre sous les auspices de l'un. On pourrait opposer ce que j'appelle les sociétés sans État, c'est-à-dire les sociétés primitives, et les autres, les sociétés État, on pourrait les opposer. Les premières comme des sociétés du multiple, les secondes, les nôtres par exemple, comme des sociétés de l'un. Dans les unes, c'est le multiple qui est à l'œuvre, le multiple, et avec tous les moyens appropriés et nécessaires de le mettre en œuvre, le multiple. Et je considère que la guerre dans la société primitive, c'est le moyen le plus fondamental de mettre constamment en œuvre le multiple. Je veux dire par là, d'introduire constamment la séparation, l'hostilité entre les groupes, la parcellisation, l'atomisation des sociétés. La singularisation. Oui, c'est-à-dire mettre en œuvre constamment du multiple, c'est-à-dire le meilleur moyen d'empêcher que de l'un arrive. Des gens qui sont dans le multiple, ils ne peuvent pas vivre, mais tout simplement vivre dans l'un. Alors ils meurent. Si on leur donne le choix d'être esclaves ou de mourir, ils préfèrent 100 fois mourir. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Alors tu évoquais la question, et c'est ce qu'ils font encore, bien entendu. Eh bien, alors les Portugais, les Espagnols, ils s'en sont aperçus tout de suite, et immédiatement, comme ils avaient besoin de main-d'œuvre et que les Indiens ne pouvaient pas constituer cette main-d'œuvre, eh bien, immédiatement, ils ont fait venir des esclaves d'Afrique, mais c'est très précoce, et dès 1520-1530, c'est-à-dire à peine quelques années après la découverte de l'Amérique, il y avait déjà pas mal d'esclaves noirs dans les îles de l'archipel des Antilles, et puis il commençait à y en avoir aussi au Brésil. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est vraiment liquider totalement, physiquement, les Indiens pour leur prendre leur territoire sur lesquels il y a du pétrole, du minerai. Pratiquement, il reste finalement, là où c'est tout à fait désespérant, c'est qu'ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Ils sont disparus, les Guayaquil. Oh, ils ont été, oui, physiquement liquidés il y a 2 ans. On a capturé Manu Militari, les dernières bandes libres qui étaient dans la forêt. On les a regroupés dans une institution humaniste qui était baptisée Colonie des Indiens Guayaquil. Et on les a laissés là sans leur donner de nourriture, sans les soigner alors qu'ils ont attrapé tout de suite la grippe, la variole, la rougeole, etc. Résultat, quelques mois après, eh bien pour les 2/3, cette population qui était à peu près de 400 ou 450 personnes, pour les 2/3, ils avaient disparu. Par-ci, par-là, en Amazonie, que l'Amazonie d'ailleurs soit brésilienne, ou péruvienne, ou vénézuélienne, ou bolivienne, hein, c'est partout pareil, et il y a par-ci, par-là, une petite communauté qui a réussi à subsister jusqu'à présent. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a l'énorme machine d'État, l'énorme machine industrielle, les routes, etc., qui arrivent pour mettre en valeur les territoires. Alors, vous imaginez bien de quel poids comptent quelques centaines de sauvages tout nus face à cette machinerie gigantesque qui se met en marche. Je crois que la seule réponse concrète, ce serait de détruire l'impérialisme à sa source. Mais oui, mais ça, aux États-Unis. Il faudrait faire vite. Enfin, en octobre 1973, la Fondation déclara que les limites du parc Aripuanã avaient été assignées trop hâtivement et que le parc allait être réduit du tiers de sa dimension originelle. Au même moment, on apprenait que 10 compagnies minières avaient obtenu du gouvernement le droit de prospecter dans le parc. Parmi ces compagnies figuraient des trusts multinationaux comme le Billington Corporation, la Royal Dutch, Shell et surtout le groupe Itau, associé au groupe Rockefeller Morera, une des nombreuses corporations multinationales contrôlées par la famille de l'actuel vice-président des États-Unis. That's Peter Pan, with the peanuttiest taste you ever tasted. And kids just eat it up. Six homes in the city. A union spokesman says that strike action has been authorized, but it is being postponed pending Monday's talks. And the Yonkers Federation of Teachers and that city's school board were said to be meeting again today with a strike threatened to begin on Monday. Union head Walter Tice says he is hopeful a new contract can be worked out. Late last week, Tice said that a strike was inevitable. Tice says his change in attitude results from the agreement of school superintendent Robert Alioto to meet the union in face-to-face negotiation. The major obstacles to a settlement are said to be non-economic, such as class size regulations. Governor Rockefeller and legislative leaders are set to meet tomorrow. L'ethnocide et le pillage du tiers-monde par le grand capital constituent une seule et même opération continue, un seul et même processus civilisateur. L'agent Apuena Mereles, qui conduisit la première mission de pacification sur le territoire des Chintas Largas, a déclaré « Aujourd'hui, il y a une tragique réalité dans le parc Aripuanã. En moins de 4 ans, les territoires des Chintas Largas ont été envahis. Des épidémies ont laissé leurs traces de mort et de nombreux Indiens ont été décimés le long de la nouvelle route où ils n'ont trouvé que misère, famine et pour les femmes, la prostitution. » Explore the amazing Amazon. You can even see a few of those crummy Indians. You got me flowing on my mind. Is it tomorrow or just the end of time? Whatever happened to the Indians? How many of them escaped the murderous machine of state? Que reste-t-il des Indiens? En ce 18 février 1975, combien d'entre eux ont pu échapper à la meurtrière machine d'État? Et ici, que deviennent-ils, ceux qui refusent l'un pour vivre dans le multiple? Où sont-ils les Indiens d'Europe? Où sont les sauvages de Paris, de Berlin, de Milan, sinon dans les asiles, les prisons, les écoles, ou bien enfermés eux aussi dans des réserves et camps de travail, dans des usines, des bureaux, sous la haute surveillance de l'État patron, de l'État gaga, de l'État bagne. Sauvages d'ici et de maintenant, c'est du déploiement de vos énergies que tout dépend. Pour l'instant, c'est un grand sauvage de l'intérieur, Antonin Artaud, qui aura le dernier mot. Paertin, Tarap, Taraboulap, Taraboulap, Raparautin, Poertin, Poutina, Ketula, Okitula, Akadadalin, Oskifar, Janensi, Metera, Ametera, Merensi, Amrotamutela, Marutela, Amrotamertsik. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Qu'est-ce que c'est que ces chefs sans pouvoir? Par Jean-Jacques Lebel, Andrew Orr. Assisté de Anne-Marie Abou, Janine Antoine, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Michel Créis, Daniel Bizien. Avec François Bott, Pierre Clastre, Marcel Gauchet, Félix Guattari, Roger Blin, Dominique Lacarrière, Pierre Santini. Repères. Chronique des Indiens Guayaki, La société contre l'État, Le Grand Parler, mythe des Indiens Guarani, Pierre Clastre. Histoires indiennes d'amour, Jacques Lizot. L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Frédéric Engels. Musique des Indiens Guayaki, Laboratoire d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme. Document Guayaki de Pierre Clastre. Qu'est-ce que c'est que ces chefs sans pouvoir? Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 février 1975. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.